Merci. Nous saluons la présence d'un grand artiste français que nous connaissons tous parce que nous vivons avec lui ici en France. Je vous demande tous d'applaudir Jean-Jacques Goldman. Il est parmi vous là, il est parmi vous. Ben, il est parmi vous, hein. C'est-à-dire que il est de mon devoir de vous présenter ce jeune qui compose ce grand groupe. Al Pacino, le capitaine de l'équipe Bulantulu. Applaudissez s'il vous plaît. Libérateur, la voix angélique. Ibos, le grand bâti. Christian, allez, maman, n'a poteau, hein. Bati Pacheco. Apocalypse, Apocadero. New Jack, New Jack. Oh, Zimbabwe. Alors, nous avons une nouvelle recrue. Nous l'avons recruté ici. Il va rentrer avec nous à Kinshasa, le petit Didier. Chef d'orchestre à la guitare basse. Tosha ba santé, Tosha kitoko, Tosha kitoko. Oh, des ouais, Nambonda. Zilko Shabani. Daddy Ibola. J'aimerais faire quand même un grand remerciement à un ami. C'est lui-là qui a introduit cet instrument-là dans la musique congolaise. S'il est dans la salle, s'il est à côté, qu'il vienne tout d'abord avant que je ne prononce son nom. Alors, ces messieurs, regardez-le très bien. Il s'appelle Nzenze. Communément maintenant, quand on joue le synthé chez nous, on appelle Nzenze. Mais c'est son vrai nom. Alors le petit qui joue là-bas, c'est son fils. C'est son troisième fils. Viens faire bisous à papa là. Viens là, viens là, viens là. Il n'a que 18 ans ce petit là. Alors quel conseil donneras-tu à ton enfant? Alors bonsoir à tout le monde. Et puis là, c'est pour moi déjà un plaisir. Un plaisir parce que le petit évolue dans un ensemble. L'ensemble qui est très jeune et il est parmi les siens. Et c'est pour moi aussi une fierté parce que il évolue auprès de Papa Wemba. Alors ça sera pour lui une chance de pouvoir continuer et plus mieux pour sa carrière. Alors, ce que je pourrais lui conseiller, c'est de ne pas lâcher Papa Wemba. Ok? Merci. Ok, au revoir. Il est tout humide devant son papa. Allez, reprends ta place. Merci, merci, cher ami, merci. Alors, le petit s'appelle Nzenze Madodanga. À la guitare des pointes, les solistes endiablés, les solistes envoûtés, nous appelons le beau gars Thierry Mogratana. Alors avant d'enchaîner présentation Nangai, nako remercier Bongo Jean-Marie Molato. Yé a ebisi biso nyonso boye. Na King Service Express, Talo et Kitty. A partir ya lelo Talo et Kitty. Oui. Ce qui vous avez kofuta na le kilo 80 francs et komi sikoyo 12 francs ya pamba. Dieu ma mère. Nazo kosa. C'est la vérité. Ah ouais, dis Moses Foulangenge. Ya kosa kate di. Petit nanga tembo spar jari le beau parisien yakananu yona franche que boya pas beau. Photo Joël Betenge. Oh, ils ont une formation ma kasi. Ba petio ba zali ba o ba tikala na gou. Clam Franchi Peter Tembo le beau parisien. Alors na kobenga bongo tata ya ba fioti fioti aya nanu. Ndoki andambe liambo liambio liambio liambio liambio Ndoki andambe. Alors Mutu oyo a formé ba fioti fioti. Musique, musique, malembe, malembe. Katana, katana nanu. Mwana mobali oyo toyebani na ye bambula et se sali ebele. Mais cette fois-ci a lakisi connaissance na ye. Bilenge bana basi obo komona sikoyo obo monaki bavandaka nandako na ye. Pendant 7 à 8 mois, bazali nanda kunaye, balia kakuna, balala kakuna. Ba misusu bokanisa loka vie wana za kote wana seke. Tozo koli sabana. Alors, mutu oyo asala bana wana ye oyo ndoki ya ndombe lambio lambio. Yaza bongo pire petit nangai. Merci.